Martin? Oui, je suis tout là. Oui, ça enregistre. Ça enregistre, je crois. Vous avez un problème? Nous avons un podcast! Wouhou! Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion Pas de problème, ici Frédéric Barbouchi en compagnie de Martin Boily. Hey, salut Frédéric! Mathieu Bouillon! Salut la gang de malades! Salut, il a crié, hein? Pardon, excusez. Salut la gang de malades! Et notre invité de cette semaine, nul autre que Sylvain Lefebvre. Docteur Sylvain Lefebvre! On peut l'applaudir! Bonjour. Oui. T'sais, expert en philanthropie, quand même. Ah, oui. On se dit pourquoi, mais ça a rapport avec le problème de cette semaine. Donc, oui. Mais merci d'être là, Sylvain. Ça me fait plaisir. Ça va bien? Très bien. Oui. Écoute, Isabelle Vouet. Oui, hein? Oui. Un vrai rossignol. Ben oui. On sent bien l'accent du lac. Et donc... Sylvain, avant de commencer le problème, toi, as-tu déjà écouté un de nos podcasts? Oui, j'ai écouté... Le précédent? Non, j'ai écouté même les débuts. Ah oui? Oui, je dirais même pas mal les 5-10 premiers. Puis un moment donné, tu t'es tanné. Sur les 168, les 5-10 premiers. Oui, ouais, on est rendu à 169 maintenant. Ouais. Mais je les aimais tellement que j'écoutais en boucle. J'ai jamais réussi à passer aux autres. Oui, non, puis ils sont vieux, ceux-là. Ce soir, en venant au passage, tu disais, j'espère qu'ils vont rejouer le 12e, ou non? Je suis pas allé jusque-là. OK. Donc, j'ai pas mis les problèmes sur Twitter. Bon, oh. Je viens de réaliser. Bon, donc, il me semblait aussi que la twittosphère réagissait peu à ce qu'on disait. Donc, mais je compte sur nos amis dans la salle pour le faire. Donc, mais juste avant de commencer, j'aimerais vous dire, pas de problème, c'est... une balado-diffusion disponible à chaque semaine où nous choisissons un de vos problèmes et où on vous fournit beaucoup et de nombreuses solutions possibles à votre problème, possible ou impossible. Hein? Oui. À vous de choisir après. Et évidemment, si on a déjà choisi votre problème et on vous a fourni des solutions, on aime toujours ça, avoir des feedbacks. Est-ce que ça a fonctionné ou pas? Ah oui. N'avez-vous essayé aussi? N'avez-vous essayé? Oui. Ouais. Parce qu'habituellement, moi, j'ai compté, là, sur tous les podcasts, on donne environ une moyenne de 23 solutions. Mm-hmm. Puis, je peux pas croire que les 23 sont pas bonnes. Donc, podcast 167, Jonathan Bob Savoie, j'aimerais ça savoir si t'es rendu un super-héros. Oui. Ce serait fun de savoir. Oui. Voilà. Donc, on vous rappelle que tous les deuxièmes mardis du mois, on est au bar Les Passages 951 Rachel Est. Et faut avoir du temps parce que imitation de Norman Brathwaite. Donc, parfait. Voilà. Et commençons avec le problème de cette semaine, Martin. Oui, problème qui nous vient de Mme Annie Roy, qui va comme suit. Encore une fois, il est long, donc je vais essayer de couper des mots. Parfait. Cher, problème, savoir, faire. C'est encore plus long. Ah non, c'est pas vrai. « Cher pas de problème, j'aimerais savoir comment faire comprendre à ma mère qu'elle gâte trop ma fille de 3 ans. Depuis que notre petite Jeanne est entrée dans nos vies, ma mère profite de chacune des fêtes au calendrier pour la gâter avec exagération. Par exemple, à sa première Pâques, Jeanne a reçu un énorme panier cadeau contenant plusieurs animaux en chocolat, une douzaine d'œufs, avec des surprises inutiles de type chasse au trésor, des babioles à figurines de lapins et de poussins, etc. » Elle avait à peine 1 an qu'elle avait déjà eu du chocolat pour les 3 prochaines années. Et toutes les fêtes y passent. Saint-Valentin, Halloween, Noël, et c'est bien pire à son anniversaire. C'est à un point tel que lorsqu'une fête arrive, nous n'avons plus envie d'aller chez mes parents, de peur que Jeanne soit encore ensevelie sous une montagne de cadeaux. Même lorsqu'il n'y a pas de fête et qu'on n'y va qu'en visite ou qu'elle se fait garder, elle est aussi bombardée de gâteries. Les autres membres de la famille se demandent toujours quoi lui acheter en sachant que ma mère aura probablement déjà tout acheté, ce qu'ils pensaient lui offrir. Alors, ils optent pour des cadeaux pratiques, vêtements ou livres, parce qu'ils savent que Jeanne a déjà énormément de jouets, avec lesquels d'ailleurs elle ne prend vraiment pas le temps de jouer. Maudit. J'ai déjà tenté d'expliquer à ma mère qu'elle exagérait et qu'elle pourrait s'en tenir à un seul cadeau de fête, mais ça a plutôt généré une crise familiale. Et là, il y a vraiment une faute d'orthographe et c'est écrit une crise familiale, mais j'ose espérer qu'elle a voulu dire une crise familiale. C'est moi qui l'ai retranscrit. Oh. Ah bon, merci Frédéric de m'avoir fait. C'est mon autocorrect, je l'utilise tellement ce mot-là souvent. OK. Donc, mais ça a plutôt généré une crise familiale et on lui a fait de la peine pour ensuite se revirer contre moi. Maintenant, quand on tombe sur le sujet, elle évite la conversation ou se renferme dans une bulle et n'écoute rien. Je comprends que le fait d'être grand-mère lui donne envie de garder sa seule petite fille. Pour le moment, c'est la première. Mais il doit y avoir moyen de lui faire comprendre que la modération serait mieux appréciée. S'il vous plaît, pas de problème. Trouvez-moi une solution à ce problème qui perdure depuis maintenant près de 4 ans. Merci à l'avance. Annie Roy. Donc, en résumé, ma mère gâte trop mon enfant. Que faire? Oui, ça aurait pu être dit comme ça. Mais ça aurait été moins le fun. Mais Sylvain, là, l'expert en philanthropie embarque. Oui. Hein? Oui, oui. Ben, on voit bien dans le problème que il est difficile de parler à cette grand-mère, que le côté diplomatie familiale est miné. Donc, pour calmer cette frénésie de cadeaux, il faut détruire la force du don. Il faut rendre le don honteux, indécent, déplacé. Et c'est possible parce qu'il y a des règles dans le don. Il y a 4 principales règles pour qu'un don fonctionne, des règles sociales. Ça a été très étudié par des grands anthropologues avec des noms fabuleux comme Marcel Mauss ou Bronislav Malinowski. C'est tous des personnages à Walt Disney. Oui, ça a été l'inspiration. Marcel Donc il y a 4 Mauss. Règles. On vous invite à faire pause et googler ces noms-là. Ils ont des têtes rigolotes en plus. Donc 4 règles, la gratuité, savoir recevoir, la temporalité et le principe d'équivalence. Je vous la fais rapide. La gratuité, c'est pas compliqué, c'est qu'un don, pour qu'il fonctionne, il faut qu'on n'attende rien en retour, ou du moins que ce soit pas apparent, et que le cadeau n'ait pas de prix. Un vrai cadeau, ça n'a pas de prix, au moins symboliquement. Donc, comment détruire cette règle? C'est très facile. Par exemple, si votre mère offre le cadeau à votre enfant, à Julie, imaginons, soulignez devant Julie le fait que, tiens, grand-maman t'offre un cadeau à $35, c'est 10 de plus que ce qu'elle a offert à ton frère Simon, mais tu pèses de $5 par rapport à l'an passé. Bref, introduire tout de suite l'équivalence monétaire qui brise le principe un peu de don et de générosité. C'était cœur à ça, oui. C'est déjà excellent. Très bon. Donc excellent. Détruire le principe de gratuité, ça c'est souvent efficace. Le deuxième principe, c'est le principe de, pour qu'un don fonctionne, en fait, c'est un échange social, un don, puis c'est toujours en 3 temps. C'est donner, recevoir, rendre. Par exemple, si vous invitez des amis à manger, vous les avez reçus, puis quelque part vous attendez qu'ils vous réinvitent, bon, mais il faut savoir recevoir. Quand vous invitez des gens à manger, par exemple, la personne invitée amène des fleurs. Oh non, des fleurs, il ne fallait pas. N'empêche qu'on avait déjà prévu un vase pour les mettre et on s'en serait souvenu si la personne n'avait rien amené. D'autant que nous, on avait amené quelque chose la dernière fois. Bref. Ah, c'est drôle, très Donc, bon. Il faut savoir recevoir un don. Voilà. Et par exemple, savoir recevoir, c'est savoir accepter en souriant des cadeaux moches à Noël, par exemple. Bon. Et briser le principe de bonne réception, c'est par exemple rendre le cadeau indécent. Par exemple, au préalable, si on sait que la grand-maman va offrir des chocolats comme d'habitude, expliquer auparavant à son enfant que le chocolat rend très malade pour qu'il éclate en sanglots lorsque sa grand-mère offre ses innombrables animaux en chocolat. Ou alors jouer sur la mauvaise conscience, par exemple, la veille au soir, avoir montré un documentaire larmoyant à sa fille sur le fait que 40% des enfants dans le monde vivent avec moins d'un dollar par jour pour que l'enfant n'ose pas profiter de son jouet. Bon, donc mal recevoir un don permet de tuer la force du don. Troisième principe, l'idée de temporalité. Ok. Si on invite un couple d'amis à manger, il faut attendre que les autres nous invitent pour pouvoir les réinviter. Si vous les invitez, tout de suite vous les réinvitez, ça brise l'échange. Donc l'idée de temporalité, attendre avant de rendre, on peut jouer là-dessus facilement. Vous savez qu'elle va offrir ses 12 lapins en chocolat. Dès qu'elle les donne, tout de suite vous lui donnez vous aussi 12 lapins en chocolat, les mêmes, exactement. Ça paralyse totalement l'échange, ça le rend complètement absurde. C'est les mêmes lapins, le même chocolat, pourquoi les donner autant que chacun garde les siens? Elle va les garder dans les bras. Donc l'idée de temporalité brisée, ça c'est très bon. Et le dernier principe, c'est le principe d'équivalence. Alors ça, c'est plus subtil. Dans le don, en fait, dans le don et le contre-don, quand on rend quelque chose, il faut que ce soit un petit peu équivalent et pas tout à fait. Par exemple, pour entretenir l'échange. Par exemple, un ami vous prête un CD, quand vous lui rendez, en même temps, vous donnez un autre CD. Tiens, écoute, c'est pas mal aussi. Et comme ça, en fait, ça fait que l'autre va aussi vous rendre. Ça va faire une dynamique d'échange, de don contre don, de créance et de dette. Puis c'est ça le lien social. Bon. Donc là, vous pouvez jouer sur le principe d'équivalence. Parce que là, il y a un débalancement. Oui, il y a un débalancement, mais il faut qu'il soit léger. C'est ça qui est subtil. Si c'est trop égal, ça brise. C'est-à-dire, on n'a plus rien à s'échanger. Il faut toujours qu'il y ait une petite dette. Ah, il m'a quand même offert ça, il faut que je relance. Puis c'est ça le lien, c'est que sans arrêt, on rembourse symboliquement une créance. Là. Parce qu'en lisant le problème, moi, immédiatement, j'ai pensé à mon garçon et ses merveilleux bricolages. On s'en lasse pas. D'ailleurs, quand il revient de la garderie avec un bricolage, on fait « Waouh, c'est un génie ». Mais tu sais, on en a beaucoup. Et ce qui arrive, en fait, moi, je me suis dit, si pour chaque cadeau, la petite Jeanne doit faire un bricolage en retour, et là, ça va briser le cœur à la grand-mère d'imposer un travail. De le jeter ou de ne pas le mettre sur un mur. Donc, quand la grand-mère va voir que trois murs de sa cuisine sont complètement couverts de bricolage, un peu botché, on va se le dire, parce que des fois, à cet âge-là, ils veulent juste le finir. Des bricolettes. Donc, peut-être que... C'est très bon, ça. Peut-être que, justement, elle va faire « OK, bon, mais je vais slacker un peu ces cadeaux. » Et en plus, plus elle va offrir un cadeau important, la grand-mère, plus la petite va avoir dû travailler longtemps pour faire son bricolage. Donc, elle décerne. Visiblement, elle y a passé une partie de la nuit. Une quinzaine d'heures, les doigts un peu coupés. Un portefeuille en cuir! Oui, ça permet elle va devoir baisser pour rééquilibrer l'échange. Oui. Et donc, jouer sur l'échange, il y a toute une gamme de choses qu'on peut faire. Par exemple, la grand-mère, une fois qu'elle a offert ses cadeaux, elle s'attend à ce que l'enfant lui fasse un petit bisou. On va dire merci, faire un bisou à grand-maman, puis notre propre gratitude. Bon. On peut entrer dans le principe du combat de cadeaux. Bon. Merci maman d'avoir offert ça. Nous, on t'offre une voiture d'occasion en échange. Voilà. Bing. Déséquilibré. Un espèce de contre-don totalement déséquilibré. Où là... Attends, c'est le rideau ou la boîte. Oui, c'est un peu ça. Non, mais tu dis grand-maman, qu'est-ce que tu choisis? Le rideau ou la boîte? Puis là, une voiture ou un bricolage. Un siphon. Ouais. Mais si on rentre dans le combat de cadeaux, tu nous as offert 12 lapins en chocolat, c'est beaucoup, mais nous, pour toi, on a une voiture d'occasion. Elle est bloquée. Soit elle doit surenchérir, et elle se rend compte que c'est absurde, soit elle sanglote, et elle se rend compte de l'indécence de son geste, effectivement, qui déjà était trop haut avec 12 lapins en chocolat. Et ça, le combat de cadeaux, faut savoir, c'est quelque chose de très important d'un point de vue anthropologique, ça s'appelle le potlatch. Il y a des tribus qui se combattaient à coups de cadeaux. Qui était plus simple que de faire la guerre, c'est qu'on s'offrait des cadeaux, il y avait des surenchères de cadeaux, et ça pouvait être aussi terrible au niveau de l'orgueil de perdre le combat de cadeaux, le combat d'offrande. Et pour bien montrer que c'était juste un combat pour le symbole, on brûlait en plus les choses qui étaient offertes des deux côtés. Pour montrer que c'est de la pure dépense et du pur combat. Donc combat de cadeaux avec la grand-mère, je pense que ça peut être efficace. Donc voilà, en gros, les quatre règles. C'est excellent. On peut applaudir, hein, si vous voulez. C'est magnifique. Maintenant, seulement ceux qui ont compris, applaudissez. Non, c'est le fun. Parce que c'est la première fois que quelqu'un sur Pas de problème a fait une recherche de plus de combien d'années sur le sujet. C'est la première fois que je me dis, tiens, j'ai eu un doctorat pour passer à Pas de problème. J'avais jamais pensé. En même temps, je comprends pas parce que lui est expert en philanthropie. Donc, pourquoi le fait de connaître les papillons fait en sorte qu'il était pertinent? Tu mélanges avec les timbres, je crois. Les haltérophiles. OK, oui, excusez-moi. Bon, pardon. Ouais. Hey, mais pendant que tu parlais, Sylvain, moi, je pensais à des choses méchantes qu'on peut dire à la grand-mère. Donc, en rafale, j'y vais. Mettons qu'il donne un cadeau à Jeanne, puis là, la mère a dit, bon, on apprécie beaucoup, là, mais tu sais, Jeanne, c'est pas notre fille, on l'a volée. Ça, c'est bon. OK, je vais dire la prochaine. Oui. Donne un billet à grand-maman, elle French ou mort. Ouais, mais là, tu brises mes punchs, là. Tu sais, lorsqu'elle reçoit un cadeau, tu dis à la petite fille, genre, donne un beau bec à ta grand-mère. Puis là, la petite fille, French ou mort, la grand-mère. Ouais, j'y ai pensé à cette solution-là. C'est pas fou, hein, ouais. Puis. French à grand-mère, là? Dis merci. Ouais. Un peu de malaise. Oui, dans la famille. Elle t'a fait un si beau cadeau. Ça mérite pas un petit bisou, ça mérite un gros French. Ouais, c'est ça. C'est un bon remerciement. Sinon, une phrase que j'aimais bien, c'est mettons, la grand-mère donne à Jeanne un cadeau et toi, tu souffles à la grand-mère, tu dis vieille Chris, tes bébelles n'effacent pas les abus. Bing! Ben moi, je pense que justement, je pense que au cours des dernières années, même à l'époque dans laquelle on vit, l'image de la grand-mère et du grand-père a vraiment changé par rapport à l'image du début du siècle. On n'est plus à la vieille madame avec un chignon assis dans sa chaise berçante et le vieux qui fume sa pipe qui a de la misère à se traîner les jambes. Maintenant, les grands-parents sont en forme, sont en santé. Donc, je pense qu'il y a peut-être vraiment un problème à cibler là au niveau des grands-parents. Puis souvent, un chiffre que je suis allé chercher, je me dis, au début du siècle, il y avait les familles avaient environ 5,3 enfants. Excuse-moi. Bon, il met une photo Mathieu de madame qui... Google de la porn. au début du siècle... Continue, Martin. Oui, au début du siècle, les femmes avaient en moyenne 5,3 enfants. Ensuite, vers le milieu du siècle, ça a chuté vers 3,3 enfants par femme. Et aujourd'hui, de nos jours, ça oscille entre 1,6 et 1,7 enfants par femme. Donc, c'est normal que les grands-parents gardent plus leurs enfants parce qu'ils en ont moins de petits-enfants. Ils sont à la retraite, ils n'ont plus le fardeau d'avoir à élever des enfants. Donc, c'est normal, ils gardent leurs petits-enfants. Ouais. Donc, une des solutions serait faire plus d'enfants. C'est une bonne idée. Donc, ouais. Elle ne pourrait pas gâter tout le monde égal. Elle serait obligée de gâter un petit peu tout le monde. Ou si tu n'as pas envie de faire des enfants. J'aime bien cette solution, mais des fois, là, beaucoup d'enfants, c'est aussi beaucoup de sport. Je pense que Sylvain peut nous le dire. Et c'est beaucoup de sport. Oui, merci. Non, mais juste de toujours traîner 2-3 amis de ton enfant à chaque fois que tu vas voir la grand-mère. C'est bon! Tu sais, oh, ben là, le petit Simon puis l'autre, en tout cas, on se souvient pas de son nom, sont venus avec nous aujourd'hui. Puis là, la grand-mère sent cheap, elle veut... Tu sais, tu donnes pas un cadeau à juste un enfant. Oh, mon Dieu. Ou elle pourrait faire comme Madame Bernard Scheinberg, une femme d'Autriche, qui a eu 69 enfants. Ils n'ont pas eu en faisant des 69, certains. Elle est morte à 58 ans et son mari s'est remarié et il a eu 18 autres enfants. Donc, lui, là, il a eu au total 87 enfants. Donc, peut-être de faire comme elle. Sinon, il y a Madame Fyodor Vassilev. Imagine le nombre de bricolage qu'il récupère. Madame Fyodor Vassilev qui a eu, elle aussi, 69 enfants, dont 4 fois des quadruplés. 7 fois des triplés et 16 fois des jumeaux. Oui, oui, oui. C'est déporté, rendu là. Oui, ouais. C'est plus juste... Ouais. Elle n'a pas accouché, elle a vagi, là, tu sais. Non, mais c'est... Avelé. The meaning of life, là. Le bébé, il tombe pendant qu'elle fait la vaisselle. Ouais. C'est exactement c'est ça. Ouais. Non, mais en ayant plus d'enfants, vraisemblablement, tu dilues. C'est dur de gâter 87 enfants. Là. Ouais. On s'entend que si tu dis que tu achètes quelque chose à quelqu'un, il faut que tu l'achètes à tout le monde. Ouais, en même temps, achète-le Dance Revolution. Eux autres, ils vont s'amuser un après-midi avec ça. Ah, mais il faut que tu achètes 87 Dance Revolution. Non, juste un, puis ça le passe. Ouais, c'est vrai. Chacun votre tour. Chacun votre tour. Toi, c'est samedi. OK. Non, mais en fait, moi, il y avait une solution de prendre tous les cadeaux qu'elle a reçus jusqu'à maintenant et les placer en forme de lettre pour écrire merci, tu sais, sur en flanc de montagne, peut-être, parce que t'es tellement là de cadeaux. Puis prendre une photo de ça, envoyer ça à la grand-mère pour qu'elle réalise à quel point elle a trop donné de cadeaux. Mais tu sais, comme tous les films dont tu parlais, tu sais, les documentaires choquants, tu sais, mettons, montrer que y a beaucoup d'enfants dans la pauvreté, c'est peut-être plus à la grand-mère qu'il faut montrer ça. En disant, regarde, là, Jeanne, là, elle n'est pas de même. Jeanne est en prison. Non, non, j'ai rien dit. Non. Ou sinon, en faisant des petites recherches, je suis tombé sur le jouet le plus cher au monde. Qui est une petite Lamborghini Aventador miniature à l'échelle de 1 sur 18. Elle fonctionne? Qui vaut 4,5 millions de dollars, soit 12 fois le prix de la vraie Lamborghini Aventador. Donc, peut-être mettre cette petite Lamborghini-là miniature sur la liste des cadeaux de Noël de son enfant. Puis t'essaies de pas l'amener au McDonald's, hein? Pas qu'à la perdre dans le Ronald Park. Des balles, là. Bonne chance. Donc, peut-être juste mettre sur la liste de cadeaux que ce petit cadeau-là. Fait que voir s'il y avait le game de la gâter pour de vrai. Et je suis aussi, je vais continuer dans cette lancée-là, je suis aussi tombé sur la liste des jouets les plus dangereux. Et ça, ça me fait beaucoup rire. Je vais mettre l'adresse du site Internet sur le groupe de Pas de problème. Parce qu'il y a des jouets qui sont absolument épouvantables. Une panthère. Dont une pompette. Une panthère. Une panthère, OK. J'avais compris une pompette. Une pompette aussi. Dont le Metal Casting Set, qui était le nécessaire pour faire soi-même ses soldats de plomb. Qui était une opération amusante qui impliquait la fonte de plomb à 300 degrés Celsius. Ça n'a pas de sens. Il y a aussi le jeu des Lawn Darts. Vous connaissez sûrement ça, là. C'est apparu dans les années 50. Les dards sur gazon. Les dards sur gazon. Un jeu qui a fait au total 1600 blessés. Non, mais peut-être justement être vraiment là, plugué sur le protégez-vous pour faire quand la grand-mère offre de quoi, tu fais. Ah oui, non, ça c'est. Non, ça, pas, c'est, dans, c'est dans la liste de. Il y a 8 enfants morts avec ça. Oui. Ça se fait pas. Oui, ou glisser ces cadeaux-là dans la liste de cadeaux, et puis quand la mère, quand la grand-mère arrive avec ça, fait hey, tu sens pas de bon sens. Il y a 1600 blessés avec ce jouet-là. Vieille maudite. Ouais, tu veux la mort de mon enfant. Mais tourne ça chez Walmart. J'ai une question pour vous, messieurs. Je sais pas si c'est. Je pense qu'il y a une question de génération aussi là-dedans. Le geste de donner n'a pas la même valeur pour la génération avant nous, mais de nos parents et de nos grands-parents. T'sais. Mais tu sais, dans eux autres, ils avaient encore peur de se faire donner une orange. Ouais, non, plutôt un bout de charbon là, à Noël. Ouais. Mais tandis que nous autres, quand on s'en faisait parler, moi, quand on disait « Ouais, yeah, right, j'aurais jamais de charbon de ma vie. » Mais je sais pas, moi, ma mère ou des mères que je connais vont souvent donner des gogos, mais pour le geste de donner, puis ça leur fait plaisir. Mais ta mère? Complètement, oui, oui. C'est fou à quel point... Puis là, elle te fait sentir cheap de pas aimer, tu sais. Moi, je me rappellerai toujours la cravate de Paris qu'elle m'a rapportée, une cravate avec une tour Eiffel. Fait que là, tu mettras ça dans tes présentations. Là, je fais maman, une tour Eiffel dessus. Mais oui, mais j'ai payé ça 25 euros, Mathieu. Puis, Chris, c'est dans le tiroir pareil, là. Non, mais des fois, moi, je parle aussi des affaires qui n'ont pas de prix. Tu sais, comme j'ai eu un bargain sur cette affaire incroyable dont t'as pas de besoin. Mais je te le donne pareil parce que c'était un bargain, puis pensé à toi. Oui, c'est pas échangeable. J'ai pensé à toi, donc je te le donne. Il y a beaucoup de ça, mais toi, ça part d'où? T'as-tu une idée là, par rapport à... Ben, en fait, historiquement, on a l'impression que ça a toujours été comme ça, mais effectivement, ça fait pas longtemps, et même le fait de l'enfant comme enfant cible d'amour, là, et puis le fait que l'enfant est juste dans le loisir jusqu'à enfin, qu'il n'est pas une force de travail avant l'âge de 15-20 ans, en fait, c'est très récent, hein, c'est la révolution industrielle, c'est 100-150 ans. Avant, un enfant, c'était d'abord... Ça servait à aller travailler à la mine, à travailler dans les champs. Donc l'idée d'un enfant comme pure petite boule d'amour à qui on fait des cadeaux, qu'on préserve du monde extérieur, c'est assez récent et ça se pourrait que ça change. Enfin, souhaitons-nous une bonne guerre, l'atteinte d'un pic pétrolier rapide qui fait qu'avoir un morceau de charbon, on sera bien content. Tous des changements géopolitiques qui permettent de faire en sorte qu'il y aura moins de cadeaux. Mais on peut le souhaiter pour Annie Roy. Ouais. Mais dans nos générations ou la génération de nos parents, le geste de donner, penses-tu que c'est différent pour nous aujourd'hui ou on va être pareil avec nos petits-enfants, tu crois? Je te demande. Mais c'est pareil, en fait. Les grands-parents, c'est assez récent aussi. Hein, ouais. Parce que déjà, il faut se rendre compte que l'espérance de vie a augmenté énormément en très peu de décennies. Donc, généralement, auparavant, à 60 ans, on pouvait être tranquille. Donc, Annie aurait pu espérer que le problème se règle rapidement, puisque jusqu'à il y a peu de temps, les grands-parents mouraient rapidement. Maintenant, il y a un allongement de la durée de vie. Ils dépensent l'héritage pendant 20 ans en donnant des bébelles. Oui, mais aujourd'hui, en fait, on se rend compte que ça va être le plus gros transfert de ressources d'une génération à l'autre, parce que tous les baby-boomers, qui étaient une population... très riche, qui a connu les années de grande consommation, et en plus qui étaient très nombreux, et puis qui vivent longtemps. Là, on pense que ça va être le plus grand transfert de ressources d'une génération à l'autre, de toute l'histoire, en fait. Ah oui? Oui. Ils nous donnent tout ça en petite cochonnerie. Donc tout ça est transformé en petite cochonnerie. Donc on pourrait aussi tous les réunir, les milliards de millions de grands-parents, dire, plutôt que d'offrir beaucoup de cochonneries, concertez-vous, faites un gros cadeau chouette, genre de l'énergie propre, mais concertez-vous. Pas de cadeau, pas de cadeau tant que vous n'avez pas trouvé quelque chose d'intéressant. Moratoire sur les cadeaux tant qu'il n'y a pas un vrai cadeau qui fait en sorte que nous aussi, on pourra vivre vieux. Oui. Peut-être investir sur un incinérateur. Tu fais, oh, ça, c'est pas bon. au feu. Tu gars, c'est pas bon. La tasse écrit petite fille numéro 1. Bonsoir. Elle boit pas de café, ma petite fille. Oui, c'est ça. Mais aussi, là, ça me revient parce que je parlais un peu de fin du monde, pic pétrolier, pollution, etc. Renvoyer une photo de l'amas, du tas de papier, de déchets, de contenants des 5 dernières années de cadeaux de la grand-mère, par exemple faire une petite mise en scène dans la bouche d'un dauphin mort ou quelque chose comme ça, pour qu'elle comprenne bien l'impact de son geste sur l'écosystème et pas seulement sur la délicieuse Jeanne. Ou peut-être faire un voyage sur l'île de déchets qui oui. Vole les dans oiseaux, la, là. Dans l'île Pacifique. Oh. Non, mais... Ah oui, l'île de sacs de plastique. Oui, ben c'est ça. Et puis Jeanne, avec une photo avec un oiseau mort dans les bras, sanglotant, avec les déchets autour, je pense que grand-maman y pensera deux fois avant de filer ses cochonneries. Un oiseau qui vomit des bouchons en plastique. Oui. C'est terrible, ça. Mais sinon, tout simplement de proposer à grand-maman d'échanger des cadeaux matériels contre un cadeau qui pourrait être encore plus précieux, et j'ai nommé le temps. Merci, Mathieu. Ah, j'ai pas non, triché, mais c'est vrai. Souvent, les parents sont occupés, ils travaillent à temps plein. Peut-être de dire, grand-maman, grand-papa, vous êtes à la retraite. Vous avez du temps. Donc, cette année pour Noël, passez donc, allez donc... Neuf mois avec Jeanne. Et partez donc un an en Grèce avec Jeanne. Oui, bien, là-dessus, là, si tu parles de la Grèce, là... Il faut savoir que les grands-parents aussi donnent notamment beaucoup quand ils ne voient pas trop souvent les petits-enfants. Oh, en ce moment, vous le savez peut-être, là, c'est la crise en Europe. Et dans beaucoup de pays, les gens de notre âge, de 30 ans, retournent vivre chez leurs parents parce qu'ils n'ont plus de quoi payer les logements. Et là, on se remet à vivre chez ses propres parents alors qu'on vivait de manière indépendante depuis 10 ans. Mais on vient aussi avec sa compagne et ses propres enfants. Et je pense que là, les grands-parents qui vivent à l'année longue avec leurs petits-enfants... Moins généreux. Au moins l'esprit rigolard du dimanche, du joli cadeau. Voilà. C'est vrai. Paye ton loyer, gamin, on verra après. Donc, voilà. Mais moi, une de mes solutions préférées dans nos podcasts, c'était le livret de petits coupons. Ben oui, ça marche, là. Donc, non, ma famille est tannée d'en recevoir, mais... Ouais. non, mais de faire comprendre à grand-maman, tu sais, des trucs de justement, après-midi avec grand-maman, French, un souper dans le restaurant de ton choix, aller au cinéma. Oui, valide pour un colleux. Valide pour un coït. Ben, c'est sa grand-mère, là. Le malaise. Voyons donc, tout le monde sait que les grands-mères sucent bien mieux. Oh oui, alors, c'était la blague du sprint final. Alors, messieurs, d'autres solutions? Mais d'ailleurs, moi, je tiens à le dire, aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est la fête de notre cher animateur, Monsieur Frédéric Barbouchy. Bonne Fred à fête! Et ça me fait plaisir, Fred, de te remettre ce petit carnet de coupons. Quoi? Que j'ai fait moi-même! Hein? Oui. Un restaurant. Une pipe de mes compasses. Ouais. Oui. Moi, j'avais mal compris. Je te remets un carnet de coupongles. Donc, il y a 10 photos des plus beaux coupongles disponibles sur le marché. Merci! C'est super! Il y a quelqu'un qui nous envoie un lien sur Twitter. Vous irez voir ça. When your grandparents spoil your little one. Donc, puis la fille, elle pose bien là, pour répondre à sa question. Hey, yeah. Oh, elle est gâtée pourrie. Elle n'est pas très habillée non plus. Non, alors, des solutions préférées? Ah. Messieurs? Ben, moi, je pensais y aller avec la compilation par rapport aux règles que j'ai énoncées au début. Rien n'empêche de superposer tout ça. Mm. Donc, vous savez qu'elle va offrir les 12 animaux en chocolat. Quand elle arrive, quand la grand-mère arrive... Il y a déjà 12 animaux en chocolat qui sont là, mais un peu plus beaux, un peu plus gros que ce qu'elle a acheté. Le prix est apparent. L'enfant pleure en disant qu'il déteste le chocolat, parce que vous l'avez déjà fait manger énormément durant la nuit auparavant, et vous saupoudrez ça d'insanité que Mathieu Bouillon vous a suggéré. Oui. Donc moi, j'y vais avec la compilation solutions. Moi, je mise sur le très gros cadeau, peut-être même pas une voiture d'occasion. C'est peut-être quelque chose de plus gros encore, puis elle n'a pas le choix d'accepter. Elle accepte pour sa fille depuis je sais pas combien de temps. Donc, l'affaire qui va faire... merci. Tu sais, elle va se sentir mal de le recevoir, puis là, elle va comprendre. Mmh. C'est assez. C'est assez. Moi, j'allais dire, puis je ne l'ai pas dit, cette solution-là, là, mais tu sais, c'est peut-être de dire à grand-maman, là, tu sais, comme, lâche les bébelles, puis tu sais, on aimerait recevoir un vrai cadeau de toi, mettons, tu sais, donne-nous 20 000 $ pour quand Jeanne va s'acheter une maison. Tu sais, puis je dis pas ça en farce, mettons, tu sais, investis à chaque année, puis quand Jeanne va s'acheter une maison, tu auras de l'argent. Donc, j'hésite entre ça ou la phrase, vieille Chris, tes bébelles n'effacent pas les abus. Un des deux. C'est parfait. Martin? Oui, moi, ma solution préférée, c'est poche parce que c'est vraiment une des miennes, mais c'est de mettre sur la liste de cadeaux de Noël les cadeaux les plus chers au monde. Et donc, peut-être profiter de l'occasion pour faire une giga-vente de garage l'été d'après et vendre ces cadeaux-là à des prix et faire fortune comme ça. Crise d'opportunité! Oui, Annie, prends ça. Prends ça, puis où tu lui dis tout simplement « meilleure solution » Grand-maman, Jeanne aimerait beaucoup avoir un T-shirt de pas de problème. Va sur le site de Mr. Dress Up et commande-le immédiatement. Voilà, donc, bon, c'était la plug du T-shirt de notre gagnant Andy Boucher. Merci, merci, messieurs, d'avoir participé à ce pas de problème. Toujours un plaisir. Merci. Donc, Sylvain, nous, on peut te voir cet été aux cravates? Oui, aux cravates, au petit medley, le dimanche soir. Les dimanches soirs. Et messieurs, je pense que... Et à l'UQAM. Et à l'UQAM. À l'UQAM, oui, ils donnent des cours. Ils donnent des cours. Oui. Donc, si ça vous tente, le B12-14. Non, oui, c'est ça. Et j'ai des collègues qui portent des cravates avec des tours Eiffel, hein, Mathieu. Ça peut les intéresser. Ah oui, waouh. Je vais lui donner la mienne. Martin, ZooFest aussi s'en vient. Oui, ok, tu me prends de court parce que j'ai pas les dates. T'en parleras la semaine prochaine. T'en parleras la semaine prochaine, mais oui, avec mon collectif Le Petit Rire Jaune, on est au Zoo Fest aux dates suivantes. Oh non, le 12, 13, garde, 14 juillet. On va demander. Allez, je vais vous en parler la semaine prochaine. Allez, à notre invité de la semaine prochaine, Olivier Godet-Savard, pour un problème de Pierre-Luc Brault. Et Mathieu, nous aussi, on est au Zoo Fest. Oui, nous, je pense que c'est le 24 juillet. Fred. J'embarque. Oui. Ça suffit la comédie. Oui. C'est ça. Allez voir ça. Impro stand-up. Et merci Boili Boileau, Les Passages, Balado Québec, chantante à nos amis de podcast. Et oui, continuez les autres podcasts. On va révolutionner le monde de l'intertube. Et puis, Mr. Dress Up, merci pour les t-shirts. Allez voir ça, Mr. Dress Up. Et continuez à nous fournir vos problèmes. Venez nous voir tous les deuxièmes mardis au bar Les Passages, à 20h. 20h. Et faites-nous un don sur le site l'instable.com. L'instable, pas d'apostrophe. Un don, hein, ça fait du bien donner. Je pense que Sylvain nous a bien expliqué. Et donnez-nous, tant qu'à ça, 5 ou rien sur la page iTunes. Oui, parce que vos dons peuvent compenser pour vos abus. Est-ce que, premièrement, veux-tu un autocollant, Sylvain? Avec grand plaisir. Voilà, tu le colleras sur ta plus jeune. Oui. Et puis, connais-tu le mot de la fin? Vous avez un problème? Ils ont un podcast. Ouais!